Se papà mi porta la musette, peut quand même hocher la tête. Écoute ce son pour faire la fête, et faire tourner les parisiens. Écoute ce son de la côte ouest, c'est pas Paris, pas la musette. Tu peux quand même hocher la tête. Écoute ce son pour faire la fête et faire tourner les parisiens. Je parle de toi, de moi, de tout, de rien. J'ai rien de mal, j'suis juste un jeune panthéen qui déballe. Au MIT héros, le processus est enclenché. Préchauffé comme un moteur diesel, impossible de stopper. La machine ne me pousse des ailes, dans mon usine y'a pas de crise. Faut-il encore enregistrer la bonne prise? Chez moi y'a pas de bise, pas de pèse, et encore moins de pèse les gendarmes. Ça devient cliché dans le rap, pas de révolution. C'est avec intelligence qu'on va niquer Jean-Marie. Pas de présentation au présidentiel, seulement un petit texte venu de la chapelle. Écoute ce son de la côte ouest, c'est pas Paris, pas la musette. Tu peux quand même hocher la tête. Écoute ce son pour faire la fête et faire tourner les parisiens. Écoute ce son de la côte ouest, c'est pas Paris, pas la musette. Tu peux quand même hocher la tête. Écoute ce son pour faire la fête et faire tourner les parisiens. Je préfère mon herbe à ton bitume, les vaches qui passent plutôt qu'un bus qui fume. Paris place, c'est pas mon truc, moi c'est la scène, je présume. Que tu n'aies pas humé la bouche, je préfère rester dans ta merde. Je cite qu'ici y'a pas de cité, ça ne suscite pas la réussite. Et sûr que la vie n'est pas facile, et ça que tu dois demander ou bien de Paris. Y'a trop de malice, trop de gens qui agissent mal, crame des voitures, je suis vandale. C'est tous les mêmes qui se mettent au fil dans des maniches, crie au scandale. Si la vie de cité c'est si difficile, pense pas que ça arrangera les choses de déclencher une guerre civile. Écoute ce son de la côte ouest, c'est pas Paris, pas la musette. Tu peux quand même hocher la tête. Écoute ce son pour faire la fête et faire tourner les parisiens. Écoute ce son de la côte ouest, c'est pas Paris, pas la musette. Tu peux quand même hocher la tête. Écoute ce son pour faire la fête et faire tourner les parisiens. Chacun fait son trou de son côté, petit à petit on s'est rallié. Mouchka et Aspi, ça commence en 2008. Puis la nouvelle année 2009, on débarque pas de l'œuf. Campagne arpa banleuseur, les tout qui se couche tard. Car Vendéen sur l'étendard, 85 et numéro de brassard. Ça travaille aussi lobby, ça aiguise les rimes. C'est que l'introduction, tant l'oreille écoute le son. Sur un son, on passe à l'action. La musique, lui, pop, notre passion. La campagne, ses bas-fonds, son lieu d'habitation. La chapelle, pas l'eau, Saint-Urbain. Campagnard, pas voir rien. Crois pas qu'on ne fait rien, qu'on squatte le terrain. On dit truc, pas tes biens, c'est déjà bien, sois-en certain. Écoute ce son de la côte ouest, c'est pas Paris, pas la musette. Tu peux quand même hocher la tête. Écoute ce son pour faire la fête et faire tourner les parisiens. Écoute ce son de la côte ouest, c'est pas Paris, pas la musette. Tu peux quand même hocher la tête. Écoute ce son pour faire la fête et faire tourner les parisiens.